Et on va s'enfoncer pour les courageux qui étaient là ce matin. Voilà. Alors, l'imagination entre. Oui. Et ou la vérité au service du journalisme, le sujet de cette séance. Nous reparlerons brièvement aussi de l'intervention de la semaine dernière avec Ludovic Lamant et François Brabant. On reviendra sur leurs interventions quand on parlera de construction de récits. Et aujourd'hui, donc. Nous avions annoncé un retour sur Florence Sauvelin, qui était une lecture qui était prévue il y a deux semaines et que l'on réimporte aujourd'hui, qu'on réintègre aujourd'hui dans le programme, parce que, d'une part, cette lecture convient bien pour parler d'éthos et d'engagement, mais aussi parce que, dans ce texte, on peut beaucoup s'interroger sur la mise en récit d'une certaine réalité, surtout quand autant de mensonges ont été énoncés donc dans ce procès. Si vous avez lu, j'espère, les deux extraits, c'est une histoire assez sordide. C'est une histoire qui est venue à un moment où, en Belgique, on avait eu l'affaire Dutroux. Et du coup, ce drame de la pédophilie était encore un peu dans toutes les mémoires. Alors, brièvement, Florence Sauvelin, je pense que vous la connaissez tous. Le thème de la vérité et de l'imagination donc, vient à point ici pour discuter de ce qu'elle présente dans son texte, parce que à la fin, dans la deuxième partie, vous avez sans doute lu que tout le monde avait créé cette histoire. Finalement, les enfants racontaient des choses, les parents racontaient des choses, et tout le monde a finalement cru à une histoire qui était essentiellement un mensonge filé de toutes pièces, et plusieurs personnes d'ailleurs ont été acquittées dans ce drame. Discuter d'imagination et vérité, c'est très important, aujourd'hui en particulier. On vient de quitter le cours d'anglais, on a parlé brièvement de post-truth, la post-vérité. Aujourd'hui, plein de nouveaux termes sont apparus en anglais, post-truth, truthiness, trumpiness. Il y a tout un vocabulaire qui tourne autour de la vérité et du mensonge. Et des fameux faits alternatifs. Vous avez entendu le conseiller de Trump parler de faits alternatifs. Donc la vérité n'a plus beaucoup d'importance pour certaines personnes. Tout dépend l'aplomb que vous mettez à proférer certains mensonges ou certaines pseudo-vérités. Donc ce thème de la vérité nous intéresse tout particulièrement. Alors le texte sur lequel nous avons brièvement travaillé s'appelle La méprise. Je pense aussi un titre assez éloquent. Florence Sauvelin, vous la connaissez peut-être aussi par sa longue carrière pour Libé, pour le Nouvel Obs, pour Le Monde. Et si vous regardez l'émission C'est politique, c'est polémique, elle était dimanche dernier sur le plateau de Karim Rissoli et Bruce Toussaint pour parler justement de la France d'en bas et du virage vers l'extrême droite qu'on prend peut-être en France. Donc Florence Sauvelin, c'est une grande reporter. Elle est née à Bruxelles, en fait. Elle s'intéresse à beaucoup de choses et de plus en plus aux gens, à la vie des petites gens. Elle a été grande reporter, elle a couvert de nombreux conflits. Elle a été reporter de guerre en Algérie, au Kosovo, au Rwanda, en Afghanistan, en Irak. Et elle est devenue une véritable icône de la profession. Et aussi, elle a été très forte dans les médias au moment où elle s'est fait enlever en Irak. Elle est devenue un otage, et donc son visage est devenu familier de tous les Français, puisque tous les soirs à la télé, au JT, il y avait un message pour qu'on se souvienne de Florence Sauvelin et de son interprète qui avait été enlevé en même temps. Donc elle a été journaliste et grand reporter, d'abord à Libération, Nouvel Obs, ensuite Le Monde. Elle est une spécialiste de la Syrie. Et c'est du 5 janvier 2005... au 12 juin 2005, qu'elle a été retenue otage en Irak. Vous connaissez peut-être certains de ses ouvrages, je ne sais pas si vous avez lu, oui, notamment Le Quai de Ouistreham, qui est donc en fait une enquête où elle se déguise, entre guillemets, elle se fait passer pour une femme de ménage, décroche un contrat et est engagée au nord de la France pour enquêter sur les travailleurs précaires. Donc elle s'est passée pour une femme de ménage, mais elle est recrutée sous son vrai nom. Elle ne cache pas véritablement son identité, mais on ne la reconnaît pas. Ce n'est que plus tard que certaines personnes qui se trouvent avec elle vont s'apercevoir qu'elle est Florence Sauvelin. Et ça nous permettra aussi de discuter un peu du journalisme undercover plus tard. La méprise, c'est la couverture du procès à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, ce procès de pédophilie, et qui constitue aujourd'hui une des plus grosses erreurs, même la plus grosse erreur judiciaire de l'histoire en France. 13 personnes ont été accusées à tort de pédophilie. Et un ouvrage plus récent, c'est En France, qui sont en fait... En France, c'est un ensemble de textes, donc ce sont des textes rassemblés, qui, justement, parlent de la France d'en bas, la France des humains écrasés, comme le dit Florence Aubenas. Vous avez des rubriques de chiens crevés, et elle a voulu faire un livre sur les humains écrasés, donc ceux qu'on oublie, et qui finalement sont en colère, et pourraient se prononcer bientôt au présidentiel avec un vote de contestation. Alors, l'affaire d'Outreau, elle éclate en février 2000 dans un HLM de la Tour du Renard à Outreau, Nord-Pas-de-Calais, et 4 enfants sont placés sous assistance éducative puisque leurs parents, Thierry Delay et Myriam Badawi, sont accusés donc, de pédophilie. Alors, je reviens ici sur les images de l'enlèvement de François Florence, pardon, en 2005. J'en parle parce que quand on abordera l'éthos, si vous avez vu le début du livre, voilà, il y a peut-être des liens à faire par rapport à sa propre histoire et aussi cette décision de couvrir l'affaire d'Outreau. Et voilà les acteurs principaux, donc les parents, Thierry et Myriam Delay, le juge Burgot, qui lui-même a été questionné, puisqu'il avait mené une enquête, mais d'une manière qui n'était pas correcte, puisqu'il s'est retrouvé très isolé d'autres avocats. Il a voulu mener son enquête, il était un peu le jeune juge qui débarque et qui devait avoir une affaire à son actif. Et puis vous avez les 13 acquittés, enfin, parce qu'il y a eu 2 procès. Il y a eu un premier procès avec 17 accusés, 12 victimes, et puis un deuxième procès où la majorité donc, des inculpés ont été acquittés. Alors, Florence Aubenas par elle-même, c'est peut-être plus simple, je vous propose de l'écouter, présenter. À l'époque, je travaillais à Libération, qui est un quotidien, et devait se tenir à Saint-Omer un procès. Et donc, c'était l'époque où émergeait, en tout cas, on parlait beaucoup de tous ces dossiers mettant en cause des affaires de pédophilie. Hein, c'était très vulgairement, c'était les années d'Outreau. Et donc, se passe à Saint-Omer un procès mettant en cause. Alors, on nous avait dit, voilà, c'est terrible, il y a des petits-enfants qui sont violés, il y a des chiens, des bergers allemands, des curés, toute la ville était au courant, on a vendu des enfants de pauvres à des notables. Voilà, c'était une très grosse affaire dans le contexte de ces années-là. Et alors, donc, qui dit grosse affaire, dit que tous les journalistes ont envie de la couvrir, bien sûr. Et il y avait simplement un frein à cette envie, qui était qu'il fallait passer 2 mois à Saint-Omer. Alors, Saint-Omer, c'est assez petit. Il y a grosso modo une pizzeria et un bon restaurant, 1 ou 2 hôtels. Et donc les journalistes avaient très envie de courir l'affaire, mais pas du tout envie de passer 2 mois à Saint-Omer non-stop. Et donc là, je me souviens très bien, le regard du chef de service a parcouru la salle de rédaction et est tombé sur moi et a dit « Toi, ça te dirait de passer 2 mois à Saint-Omer ?» C'est vrai que je suis grand reporter et que c'est notre boulot, c'est de partir longtemps au même endroit. Et donc j'ai été désigné pour couvrir l'affaire parce que voilà, il y avait ce problème de durée, de temps, d'emploi du temps. Et c'est vrai que moi, je peux claquer ma porte, me fermer à clé et partir pour 2 mois. L'histoire de ce procès et de la surprise qui était celle de tous ceux qui y assistaient, était de dire, voilà, on nous a dit, bah, c'est l'affaire Dutroux à la française, c'est une affaire énorme. Et en fait, au fur et à mesure où l'audience se passait, tout se détricotait. Donc en fait, on disait, ah mais un tel ne peut pas y avoir été, ah mais un tel paraît innocent. Et donc c'était l'histoire de cette immense affaire qui se rétrécissait de jour en jour et où apparaissait l'innocence des gens les uns après les autres. à la fin du procès, quand un certain nombre d'entre eux ont été acquittés et pas les autres, m'est venue l'idée de faire ce livre. Et en fait, j'ai fait le livre à l'envers de la couverture médiatique que j'ai eue de ce procès. C'est-à-dire pour le procès, on racontait comment, j'allais dire, cet énorme arbre perdait finalement ses feuilles les unes après les autres et ne restait plus que le squelette de l'accusation qui en réalité ne tenait pas. Pour faire le livre, j'ai fait l'inverse, je me suis dit, mais le juge qui a fait cette affaire, les policiers qui l'ont faite, n'avaient aucun problème avec les gens qui mettaient en examen. Ils ont cru bien faire. Comment cette affaire a pu se construire? Et donc le procès, l'histoire du procès était la déconstruction et l'histoire du procureur était la construction de cette affaire. Comment un juge dans son bureau tout à coup s'est dit « Ah mais lui aussi, comment ce réseau a été entre guillemets inventé ?» Voilà. Et donc ça a été, l'envie de faire le livre était ça, était d'expliquer comment un juge qui très sincèrement s'est pris pour un chevalier blanc a voulu poursuivre des gens qui pensaient-ils mettaient en péril des petits-enfants. Comment il s'est retrouvé à fabriquer la plus importante erreur judiciaire de ces dernières années en France? Moi, je pense que le journalisme est un métier d'engagement. Donc c'est un métier où, surtout le reportage ou la couverture d'audience, etc., on va quelque part et on raconte ce qu'on voit et on raconte bien évidemment aussi la manière dont vous le voyez quand on va en Afghanistan, quand on va en Irak, quand on va en France faire un reportage social. Voilà, il y a une manière de couvrir les événements, couvrir, j'utilise le terme professionnel, qui est de rendre compte de la façon dont vous les voyez. J'avais l'impression, avec l'affaire d'Outreau, d'assister à une injustice, à une formidable injustice. Et donc ça me semblait le travail d'un journaliste de raconter justement comment cette injustice avait pu avoir lieu. J'ai fait paraître le bouquin juste avant le deuxième procès. Donc il y a eu un premier procès où une partie des gens ont été acquittés, un second procès, où sont restées 7 personnes qui étaient toujours accusées de ces faits, qui ont finalement été actées 2 ans plus tard. Donc ce que je voulais, c'est faire paraître ce livre pour faire pression sur ce deuxième procès. Moi, c'est quelque chose que je revendique dans cette affaire-là. C'est-à-dire que non pas se substituer à la justice, mais montrer ce à quoi nous on avait assisté, comment la justice était faite, etc. Moi, je fais vraiment un journalisme de terrain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est le terrain, c'est voir les choses à hauteur d'être humain, j'allais dire. Dans l'affaire d'Outreau, c'est ça qui m'intéressait aussi, c'est-à-dire que c'était assez frappant les premiers jours du procès, où il y avait un certain nombre des accusés qui comparaissaient libres, donc qui avaient été remis en liberté avant le procès. Et donc, ils arrivaient le matin, comme nous, avec des manteaux, et puis ils allaient s'asseoir dans le box des accusés, nous, justement, sur les bancs de la presse. Et en fait, personne ne leur parlait. Parce qu'il y avait cette espèce de barrière d'horreur, d'une certaine manière, de ce dont on les accusait, qui faisait que... Et assez vite, moi, je suis allée en parler, parce que c'est une grande chance, c'est-à-dire de pouvoir, tous les soirs, interviewer les accusés, il y avait leur famille qui était là, etc. Et c'est vraiment ça, moi, qui m'intéresse, c'est-à-dire c'était d'avoir leur point de vue, eux aussi, quel que soit ce qu'on pense des choses, de rester à cette hauteur-là, c'est-à-dire de ne pas être... un journaliste qui serait derrière, j'allais dire, un miroir sans teint et observerait le monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me mêler au monde, d'en faire intimement partie, ce qui est le cas, et de rendre compte de ça aussi. Et c'est vrai qu'entre les audiences, j'entendais leurs commentaires, enfin, c'était leur rendre, j'allais dire, figure humaine. Et parce qu'il y avait cette espèce de très lourd soupçon qui était sur eux et qui faisait que pratiquement un certain nombre de mes confrères, pas tous évidemment, n'osaient même pas les approcher. Il y avait... c'est-à-dire cette espèce de... Oui, c'était terrible ce qu'ils vivaient à ce moment-là. Ils arrivaient, les gens se taisaient, on s'écartait pour les laisser passer. Eux-mêmes étaient pris dans ce cycle-là. Ils n'osaient pas apparaître, ils n'osaient pas sortir ensemble, par exemple, de la cour d'assises, en disant, on va être tous ensemble, ça fait comme si on était un réseau, comme si on était une bande, ils se tenaient. Les premiers jours étaient terribles, j'allais dire presque physiquement. Et moi, c'est ça qui m'a frappé, c'est ça qu'au début, j'ai voulu casser dans la manière dont je me rendais compte du procès. Je pense qu'un journaliste doit être quelqu'un, quand je parle d'engagement, c'est ça, c'est s'engager aux côtés de ceux dont on parle. Et c'est vraiment, pour moi, c'est ça le reportage, ce n'est pas la vérification. Voilà, donc on termine comme ça, on fait un reportage, pas une investigation. Alors, j'espère que vous avez lu les quelques pages, donc en tout cas l'introduction et la fin aussi, on revient sur l'histoire et surtout l'erreur judiciaire aussi. Donc, Ceci peut nous inspirer beaucoup de choses au niveau de la vérité, de l'imagination, peut-être aussi de l'éthos et de l'engagement. Donc elle parle de son engagement, elle parle du rôle du journaliste dans une pareille situation. Est-ce que vous avez des réactions à chaud par rapport au texte? Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Il y a 2 semaines, Madame Le Cam vous a parlé aussi de l'éthos, des différents modèles d'éthos, notamment le genre corporalisant, caractérisant, la dépersonnalisation. Donc à partir des quelques pages du début, où elle parle aussi de sa propre expérience, est-ce que vous avez des réflexions à partager par rapport au positionnement de la journaliste? Et peut-être par rapport à ce qu'elle vient de dire aussi sur reportage et investigation. Bon, peut-être que je devrais avoir une question plus directe, plus précise. Vous avez eu le temps de lire le texte? Oui, ok. C'était il y a 2 semaines, quoi. C'était il y a 2 semaines, ouais, oui. 3 semaines, même, je ne sais plus. C'était 2-3 semaines, donc okay, à chaud, c'est un peu... D'accord, je n'ai plus vraiment en mémoire le texte. Oui. Oui, oui. Vous n'avez pas pris des notes sur le texte? Ça aide. Non, je n'ai pas pris de notes. Reprenez peut-être la tête, elle fait juste 3 minutes d'âge. Et peut-être que vous allez vous rappeler plus facilement et vous pouvez le texte à 2 semaines. On peut relire le début ensemble, hein? Oui, vous avez une intervention? Moi, j'ai d'avis que ce. Par rapport à l'éthos du journaliste, j'ai l'impression en fait qu'on est plus dans un récit en fait où c'est la dépersonnalisation en fait de l'auteur, puisque tout est fixé vraiment sur la famille de l'aide, donc qui est par les parents et les enfants. En tout cas, quand j'ai lu le texte, j'ai pas eu l'impression d'avoir vu Oui, et en même temps, on se pose la question quand on. Enfin, d'abord, vous voulez réagir, vous êtes d'accord ou pas d'accord? Ouais. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des traces de l'auteur? Moi, je trouve qu'elle parle en jeu, justement, oui. Genre le journal Libération où je travaille. Je suis rentrée, blablabla. Enfin, en tout cas, dans la préface, elle parle en jeu. Après, je remets en scène. Il y a plusieurs situations, effectivement. Ouais, parfois, elle n'est apparemment pas dans le récit, ça se déroule plus comme un film. Et puis, effectivement, elle prend très clairement place dans le texte. Et ça, on le voit très bien dès la page 8, tout au début, parce qu'elle explique comment on lui a confié sa mission. Et puis surtout, elle parle de son enlèvement, ce qui est quand même très important, parce que du coup, on peut se demander, tiens, pourquoi est-elle revenue à ce récit? Elle avait tenté de l'oublier, elle est revenue. Et qu'est-ce que ça signifie finalement pour cette journaliste de revenir sur cette histoire après le traumatisme qu'elle avait elle-même vécu? Donc effectivement, on voit des traces du jeu. Et par moments, elle disparaît du texte. Et il y a des passages très descriptifs aussi de la famille, de l'appartement, là où s'est passée en fait l'action, là où la famille vivait. Et c'est une question qu'on se pose souvent quand un journaliste reconstruit un texte, et ça n'a pas vraiment été abordé la semaine dernière avec nos deux intervenants, mais on se demande, tiens, avec quel degré de précision ils remettent tout en scène, ils créent un récit, ils placent des éléments en disant ceci se trouve à tel endroit, or ils n'ont pas été témoins de la scène. Donc on se pose des questions sur la manière de travailler, la manière de mettre en récit. Et comment peut-on aller jusqu'à affirmer des choses quand on n'a pas été présent? Donc comment est-ce qu'on travaille? À partir de quelle documentation? Et puis quelles sont, c'était une des questions qui était dans la discussion, quelles sont les limites et les libertés qu'on se donne pour que ça reste du journalisme, pour que ça reste un récit vrai, où il n'y a pas d'invention, où on ne brode pas. D'autres réflexions par rapport donc, à ces différents ethos, le positionnement de l'auteur. On parlera plus de vérité dans un moment, vérité de dévoilement notamment. On reviendra peut-être alors sur le texte à ce moment-là. pour reprendre des exemples plus précis. Alors peut-être pas par rapport à l'éthos, mais est-ce que vous avez plutôt des réflexions par rapport à justement l'imagination, la vérité, comment est-ce qu'une histoire peut déraper ainsi? Et la démarche de Florence Ovna, qui est finalement de se rapprocher aussi des gens. Elle explique que d'une part il y avait les accusés, d'autre part il y avait l'audience, donc elle a essayé de se reconnecter. Elle a une démarche très humaniste, parce que vous l'avez entendu dans la vidéo ici. Elle dit plus personne ne leur parlait, ils n'étaient plus des humains en quelque sorte. Pas de réflexion particulière, non, ça n'a pas vraiment inspiré ce texte. Vous connaissiez Florence Ovna, vous avez peut-être lu d'autres choses d'elle qui vous ont interpellé. Le clé de Ouistreham, par exemple, qui est tout à fait une autre. Oui, moi, j'ai juste lu son livre Grand Reportage, là. C'est ça. Mais du coup, ça s'adresse un peu plus. Enfin, je l'ai lu il y a genre 5 ans. Ouais. Ça s'adresse un peu plus aux élèves, j'ai l'impression qu'elle explique son métier plus. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est différent de ça, mais ça se lit vraiment vite. Enfin, je trouvais que c'était agréable à lire. C'est mm-hmm. pas un article, quoi. C'est un livre. Oui, c'était un ouvrage plus didactique oui, qu'elle a réalisé après avoir fait une série de rencontres. Mais même ici, je veux dire, la méprise, c'est, oui. C'est une affaire. Moi, je la connaissais pas, cette affaire, personnellement. Je trouvais que ça se lisait vraiment facilement. Oui. Ça pouvait être autant vrai que faux, entre guillemets. Parce que c'est pas, alors, ça se lit facilement. Oui, d'une part, on est pris par l'horreur. Pourquoi je dois lire ça, c'est horrible. Et en même temps, il faut peut-être quand même mettre noir sur blanc toutes ces horreurs pour qu'on se rende compte à quel point l'histoire est pleine de mensonges, pleine d'horreurs, et que, qu'à un moment donné, vous voyez, le texte commence même, si on reprend les toutes premières lignes, par « C'était une histoire qui fait peur. Dans le nord de la France, des ogres et des ogresses avaient abusé de petits enfants pendant des années et avaient même été... On avait même tué certains, ils étaient 17 en tout cas, ceux qui avaient été capturés. Ça commence presque comme un conte avec des... voilà. Alors vous vous dites ça se lit facilement, oui, peut-être un peu comme un roman, pour revenir un peu à certaines considérations qu'on avait la semaine dernière, et sur la manière, donc sur la responsabilité du journaliste aussi à produire un récit qui se lit comme un roman, mais qui néanmoins est absolument véridique, authentique. Oui. Et le plus, c'est qu'on voit aussi... comment dire, les citations, les dialogues en fait, oui. avec les membres de la famille ou les enfants qui étaient capturés, mm-hmm. on a l'impression en fait que au fur et à mesure on lit le texte, on voit comment dire la complexité en fait de cette histoire là, parce que justement c'est intense, et que le fait par exemple qu'un des enfants en fait voulait accuser à la police en fait de ce que son papa a fait, mais en même temps, il disait de dire ce monsieur, alors que justement c'était son père, donc c'était assez compliqué de pouvoir condamner son père à la police. Donc il y avait cette complexité en fait du fait que son père l'abusait, mais c'était quand même son père. Donc tout simplement en voyant la narration de l'histoire et les différentes citations et dialogues des personnes, on voit à quel point cette histoire est vraiment sordide. Oui, donc, vous parlez de dialogue, c'est vrai qu'on n'a plus des citations simplement, on a carrément des dialogues, on a des faits qui deviennent des scènes, mm-hmm. et du coup, voilà, le texte prend une toute autre ampleur. Mm-hmm. Oui, et vous avez parlé de complexité, c'est important, c'est un conseil que donne aussi Alain Lallemand, qui a écrit un bouquin sur le journalisme narratif, justement, et qui donne cours à Louvain. Pour mieux comprendre le réel, il faut toujours le complexifier au maximum, et pas le simplifier, le complexifier pour... vraiment approcher la vérité. D'autres réflexions par rapport à la construction du récit? On éditera ce texte et on en reparlera peut-être un peu plus tard. J'avais mis quelques citations à l'écran qui ont chaque fois... Enfin, qui sont chaque fois connectés avec justement la réalité, le réel, ça nous permet de transiter vers justement le sujet qui nous occupe aujourd'hui, l'imagination et la vérité, et notamment avec Burgot, donc quatrième citation, Burgo, ce n'est pas vrai que tout est inventé, la seule chose est que les vérifications se sont avérées vaines, il restait une possibilité de faire disparaître les preuves. C'est quelque chose dont on va parler maintenant, donc l'importance des documents, l'importance des témoignages. Et dans cette histoire, tout le monde l'a faite. Bon, ça, c'est une des conclusions. De toute façon, tout le monde y est. Cette histoire, tout le monde l'a faite. Comment se fait-il qu'on s'est laissé embarquer? À un moment donné, on a cru les enfants parce que, soi-disant, les enfants ne mentent pas. Donc, il y avait une sorte de vérité proférée à ce moment-là qui ont fait que voilà, l'histoire a complètement dérapé. Donc, il y a une question de contexte. On a rappelé l'affaire Dutroux. Et maintenant, cette affaire Dutroux, un jeune juge qui s'est senti voilà, chevalier blanc pour m'en sauver. Les enfants, une situation extrêmement critique. Et voilà, tout était en place pour que le scandale éclate, et un double scandale, puisque finalement c'est un juge qui a été inculpé dans ce cas-ci. D'autres réactions, d'autres textes que vous avez lus d'elle? Oui. En fait, le fait que dans son style d'écriture elle soit très directe, c'est peut-être le rapport qu'elle a d'être engagé. Oui. C'est tout simplement ça. Et quand vous dites direct, c'est. Elle a un style d'écriture un peu comme oui. Un roman. C'est ça. Voilà, avec des dialogues pour expliquer les faits, le contexte. C'est son engagement en fait qui fait ça, ou le fait qu'elle ait cette démarche d'engagement, ou c'est... Et comme, je pense que voilà, elle essaie de les rendre humains, donc pouvoir créer. Quand vous parlez d'une situation dont vous objectivez l'autre, et si vous le représentez comme un monstre, c'est difficile d'avoir l'empathie, parce que l'autre est tellement différent. Si vous l'humanisez un peu, à ce moment-là, une empathie est possible. Et alors, le fait qu'elle transcrive à ce point les dialogues tels qu'ils sont, oui, c'est un respect de la réalité. Et surtout, bon, c'est évidemment l'histoire d'une erreur judiciaire, mais c'est aussi... une autre histoire, c'est une histoire d'un drame social, parce que ce qu'elle explique aussi, c'est que dans cet univers-là, à Outreau, seuls les enfants avaient une vie organisée. Les enfants, ils ont des horaires, ils vont à l'école, ils vont chez le dentiste, et les parents ne s'habillent pas, les parents ne mangent pas, les parents... Et donc c'est aussi tout un drame social qu'elle a voulu mettre... ce n'est pas que l'histoire d'une erreur judiciaire, c'est aussi... comme elle a utilisé l'expression des humains écrasés pour son autre bouquin, c'est aussi ça dont elle a voulu parler. Donc c'est finalement parler d'une situation, mais pour aussi présenter des éléments plus universels qui touchent au-delà de ce fait divers, entre guillemets. Oui. Moi, j'ai la plus grosse différence que j'ai vue entre le cas de l'histoire et ce livre. C'est que là, on était vraiment immergé dans l'histoire avec tous ces niveaux de complexité complètement différents. Et malgré le fait qu'on sent toujours la présence de la journaliste dans le récit, on est quand même plongé dans l'histoire au point qu'on ne se rend pas compte vraiment qu'elle est là et qu'elle le raconte elle-même. Ce qui n'est juste pas vraiment le jeu. Alors, j'ai lu le cas de Stanley il y a très longtemps, mais je pense que justement, elle était vraiment dans le jeu, elle expliquait toutes ses démarches. Et là, du coup, c'était vraiment avec le point de vue de la journaliste, on suivait son parcours et ces différentes étapes, et c'était un autre type, enfin c'est du undercover, donc forcément c'était sur une seule personne, une seule immersion, mais pour moi la différence elle était là, et j'avoue que ça fait longtemps. Non mais très bien, parce qu'effectivement il y a tout ce contrat de lecture avec le lecteur, donc on est journaliste, donc le lecteur sait que ce que vous allez raconter est vrai, donc dans le cas du quai de Gostra, il y avait toutes sortes de précautions à prendre pour bien expliquer comment elle avait procédé. Parce que normalement, on ne peut pas masquer son identité, on doit informer les personnes avec lesquelles on se retrouve en situation. Et donc, elle a quand même eu certains délais parfois. Certains se sont sentis trahis, etc. Ici, oui, c'est plus un peu, je ne sais pas si vous avez eu le cours de documentaire, c'est du cinéma vérité aussi. Ça vous parle? Parce qu'on utilise aussi pour le journalisme un terme d'écriture vérité. On vous a parlé de Edgar Morin, du cinéma de la fraternité. Voilà, donc il y a un peu cette approche-là, mais dans l'écriture. Donc, une écriture brute de la réalité, sans vraiment prendre de direction. Je pense qu'il y avait encore une intervention, et puis j'ai passé la parole à Madame Lucas pour. On méditera plus loin sur ce texte, on reviendra peut-être sur. Oui. Certains éléments de preuve à à l'occasion. Voilà, merci. Alors, pour poursuivre dans la même lignée, un des éléments que l'on trouve fondamental de vous expliquer, c'est justement dans le rapport que le journalisme entretient avec la réalité, il s'insinue dans ce rapport-là la question de la vérité. Et ça renvoie autant au journalisme d'investigation que au journalisme narratif. Et on va s'arrêter donc un tout petit peu sur ce principe de vérité-là. Et je vous ai mis, comme d'habitude, on vous le laissera sur le mais j'ai fait exprès d'avoir des couleurs, c'est pas juste que c'est matériel. C'est que du coup, il y a trois enjeux, en fait, qui sont complètement interreliés et qu'on va voir l'un après l'autre. Le premier enjeu, c'est que la question de la vérité en journalisme, c'est que on part du principe, normalement, que la pratique journalistique repose sur la possibilité de produire des informations qui sont vraies. C'est normalement, de façon essentialiste, la définition de la pratique journalistique. La pratique journalistique, elle n'est pas censée produire des informations qui seraient fausses. D'accord ? Sinon, on est dans Orwell, 1984. Ça, c'est normalement un principe de base. Le second point, mais qui va faire débat, on va le voir. C'est pour ça qu'il est là, il est en rose, parce qu'on va y revenir. Et lié à cette rositude, c'est-à-dire le fait de produire des informations vraies, comment le journalisme est censé produire des informations vraies, c'est censé passer par une démarche qui ressemblerait à quelque chose que l'on appelle l'objectivité. Et donc, tous les débats qui tournent autour de la vérité tournent en fait aussi par ailleurs autour de la notion de l'objectivité, dont on vous rabat les oreilles, dans les exercices pratiques, par exemple, mais par ailleurs, on va constamment vous dire que l'objectivité n'existe pas. Donc, c'est ça tout l'enjeu. C'est la vérité existe-t-elle, l'objectivité existe-t-elle. Et là, on est dans un espèce de maelstrom où, en fait, quasiment dans un cours de philosophie, on pense où il faut partir de certains principes de vérité ou d'objectivité. On va y revenir. À ce rose et ce vert bizarre est lié le bleu, c'est-à-dire que le journaliste, même si il part du principe, même si on part du principe d'un point de vue théorique, que le journalisme est censé produire des informations vraies et est censé passer par une démarche de type objective, eh bien, il y a toujours une mise en scène du journaliste. Et cette mise en scène, c'est une mise en scène en termes narratifs, c'est une mise en scène aussi en termes de procédure de construction de l'information. Vous savez bien que rien que le choix d'un événement, le regard que vous allez poser dessus, le fait que vous soyez éventuellement même un homme, une femme, avec une trajectoire ou des centres d'intérêt particuliers, ça va influer sur la mise en scène de l'information. Et du coup, quand on parle du rapport du journalisme à la vérité ou du rapport du journalisme à la réalité, eh bien, on se retrouve dans un débat extrêmement compliqué. Alors, commençons par le rose. Le rose, cette possibilité de produire des informations vraies. On a un réel débat sur cette assertion. Si je caricature, on pourrait faire 25 heures de cours sur cette question de la vérité et du rapport du journalisme à la vérité. On a deux positions qui sont des positions très clairement énoncées. Il y en a plein d'autres, voilà, mais pour aujourd'hui, je vous en présente deux, qu'on appelle les néo-réalistes ou les constructivistes. Alors, qu'est-ce que c'est les néo-réalistes ? Commençons par eux. Quand on parle néo-réalisme et du constructivisme, c'est dans le débat deux positions théoriques qui s'entrechoquent. D'accord ? Ils sont absolus, ils ne sont pas d'accord. Pourquoi ? Parce que, premièrement, pour les néo-réalistes, il va exister, il y a deux principes fondamentaux que vous pouvez retrouver dans le texte de Gilles Gauthier qu'on vous mettra en ligne. Alors, Gilles Gauthier, c'est un chercheur québécois, et qui travaille depuis longtemps sur la question de l'argumentation en journalisme. Il a travaillé beaucoup sur l'éditorial. Et alors, il travaille depuis une dizaine d'années sur la question de la vérité. Et il se présente lui-même comme un vieux dinosaure. Pourquoi ? Parce que pour lui, et vous verrez si vous le googlisez, pour lui, l'objectivité existe, la réalité existe et la vérité existe. C'est une position philosophique. Et il se traite de dinosaures néo-réalistes. Et les néo-réalistes, c'est deux jusqu'à présent, jusqu'à il y a encore quelques mois, passaient pour des gens un peu fermés d'esprit, au sens où ils prenaient pas souvent en compte l'individu, notre regard, notre subjectivité, etc. Et on voit maintenant que dans les débats que l'on a, et donc Madame Murray, auquel Madame Murray faisait référence tout à l'heure, le fait que maintenant on aurait des vérités alternatives, des faits alternatifs, on se dit, non attendez, il y a quand même des choses qui existent dans le monde, sinon ça devient un peu compliqué, quoi. Et donc, les néo-réalistes vont avoir ces prochains mois et ces prochaines années un peu plus de pouvoir qu'ils n'en avaient jusqu'à présent. Parce que les néo-réalistes, donc pour eux, il existe une réalité indépendante du journalisme, et c'est sur cette réalité, pardon, je parle mal, c'est sur cette réalité indépendante que porte le journalisme. Et c'est à partir de cette réalité indépendante que procède la construction journalistique. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que pour les néo-réalistes, les faits existent, indépendamment du regard que le journaliste porte sur la réalité. Vous allez dire, bah oui, j'espère quand même. Mais c'est un débat. C'est un débat, pourquoi ? Parce que on a tellement insisté depuis les années 1950-1960 sur la subjectivité du journaliste, sur le fait que l'information et l'événement, il est construit par le regard du journaliste, que certains débats ont été menés pour dire qu'il y a un tel jeu sur la réalité que ce que dit le journaliste est simplement une interprétation de la réalité. Et qu'en fait, on n'a jamais accès à la réalité. Pour les néo-réalistes, on a accès à la réalité. Le fait que je sois en train de vous parler, c'est la réalité. Je suis avec un micro, je suis prof, j'ai beau être qui je suis. Il y a un principe de réalité au sens du principe de je suis là devant vous en train de vous parler. Et qui que ce soit qui va raconter le fait que Florence Le Cam était en train de vous parler, ça c'est une construction. Ils sont d'accord. Mais le fait est qu'il y avait un fait qui doit être le même pour tout le monde. Et qui a été, et je vous en avais parlé lors du premier cours, qui a été aussi largement remis en cause par les enquêtes policières. Vous savez très bien que quand on demande à un témoin ce qui s'est passé, eh bien on a plusieurs versions de ce qui s'est déroulé, en fonction du témoin. Et c'est pour ça qu'a été remis en cause cette notion de réalité et de ce qui se passe. Donc pour les néo-réalistes, cette réalité, elle est indépendante du journalisme, et cette réalité existe. Ça renvoie, enfin, si vous avez un petit peu de connaissances philosophiques, de la réalité faisant table rase, etc. Et c'est toutes ces questions philosophiques en disant, est-ce que quand on quitte une pièce, la pièce, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, existe toujours. Vous avez dû voir ça en philosophie, d'accord ? Eh bien, ce sont des débats qui ont alimenté énormément les controverses autour du rapport entre journalisme et vérité, et journalisme et réalité. Donc ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est pour les néo-réalistes, le journalisme consiste à produire des assertions vraies au sujet de cette réalité indépendante. Et l'attribution de valeur de vérité est l'activité préalable à la construction journalistique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le journaliste, il est censé constamment produire des argumentations de vérité. C'est-à-dire que les faits doivent être considérés comme vrais. Et ces faits considérés comme vrais doivent être le socle du travail journalistique. Donc bien avant que le journaliste porte un regard ou fasse des choix. C'est une position qui est, dans le débat, assez radicale. C'est-à-dire que, dans cette position néo-réaliste, le regard humain, en quelque sorte, est une construction, mais n'a pas d'incidence sur la réalité, sur ce qui se passe réellement. Vous me suivez ? Ça serait peut-être plus compréhensible quand on passe à la deuxième version, posture du débat, on est tous plus ou moins, quand on est prof de journalisme et quand on vous parle, on est tous plus ou moins constructivistes, au sens où le journalisme, on va toujours vous le présenter comme une pratique discursive, c'est-à-dire une pratique de production de discours, qui est une pratique en charge de représenter le réel, c'est-à-dire d'en donner une interprétation, une version, en fonction de vous, en fonction de la ligne éditoriale, en fonction de l'imagination que vous avez du public. Et donc, assez régulièrement, on va dire que ce qui se passe, on va vous le raconter en fonction de la nature du média, en fonction de l'identité du journaliste, etc. Et c'est là qu'en fait, il y a cette posture constructiviste, au sens où il n'y a pas de faits, mais seulement des discours sur les faits. Et ça, c'est exactement là que les deux postures s'opposent. Pour les néo-réalistes, les faits existent en dehors du journaliste. Alors que pour les constructivistes, le fait n'existe que par le regard de celui qui le raconte. D'accord ? C'est vraiment un débat qu'on pourrait avoir, enfin, qu'on pourrait qualifier d'une espèce de débat philosophique dans les études sur le journalisme. Mais c'est extrêmement important quand on parle, et vous allez voir, quand on vient au débat contemporain sur c'est quoi la vérité, c'est quoi un fait, etc. Donc pour Todorov, qui, vous avez vu son actualité triste, Todorov, qui a donc énormément travaillé hein, sur la question du rapport entre fiction et vérité, mais qui n'était pas un spécialiste du journalisme, des spécialistes du journalisme ont repris à leur compte les écrits de Todorov pour montrer qu'il n'y a pas de fait, il y a seulement des discours sur les faits, et par conséquent, il n'y a pas de vérité, mais seulement des interprétations du monde. Ce qui est là en très très large opposition avec les néo-réalistes. Donc, pour les tenants déconstructivistes, c'est l'importance de la vraisemblance. Grosso modo, c'est la vérité n'existe pas, mais il faudrait que ça paraisse vraisemblable. Et ça, cette posture insuffle tout le débat sur le journalisme, toutes les critiques sur le journalisme. Bon, est-ce que c'est vrai ce que le journaliste dit sur Fimo ? Est-ce que c'est vrai ce que les journalistes disent sur dans l'affaire Penelope Gate ? Eh bien, les journalistes vont dire bah, « Oui, j'ai des preuves. Je peux vous démontrer ce que j'avance. » Et Fillon va dire « Attendez, ces preuves-là, moi, je peux les récuser. » Donc, les journalistes vont dire « Bah oui, mais c'est ce que, pour l'instant, on a de plus vraisemblable. » D'accord ? C'est la question de la vraisemblance qui va être au cœur du débat du journalisme d'investigation et même du journalisme narratif. Parce que l'enjeu pour les constructivistes, c'est pas que le journaliste dise la vérité, c'est que le journaliste produise un effet de vérité. Et on va voir comment. Cet effet de vérité-là, il est extrêmement important, par exemple, dans le texte de Florence Aubenas de La Méprise, cet effet de vérité, je donne tout de suite les exemples, l'effet de vérité quand elle dit dans la préface « Le journal Libération où je travaille d'accord, m'a envoyé ». Donc là, c'est le principe de réalité. Je suis en train de vous expliquer, moi, Florence Aubenas, par qui je suis allée, qui m'a envoyée. Le fait qu'à un moment, elles disent « Au fil des audiences, une autre histoire a petit pris la place de la première, celle d'une erreur judiciaire », c'est qu'elle se pose dans l'idée que, par son récit, elle va produire un effet de vérité. Et l'effet de vérité qui va dévoiler l'erreur judiciaire, et elle le dit aussi dans la vidéo qui vous a été présentée, c'est qu'à un moment donné, elle va se rendre compte qu'elle va sentir la nécessité de reconstruire cette histoire et d'essayer de comprendre comment on arrive à une erreur judiciaire. Et donc, ce qu'elle fait, c'est essayer de produire un effet de vérité sur la situation. Sachant que c'est toujours, pour elle, ça va être un effet de vérité, parce qu'elle le dit bien, elle va sortir son livre juste avant le deuxième procès, à la fin de son premier livre, enfin, bon, à la fin de ce livre-là, de La Méprise, elle va bien dire qu'il reste des gens qui sont accusés. Et donc, la vérité, du point de vue, là, de cet effet de vérité, c'est la vérité, elle est vraie tant et autant qu'on ne l'a pas démentie. Donc, sa dernière phrase dans son bouquin en disant qu'il reste encore des gens, et finalement, il y en a six à ce moment-là qui sont condamnés, c'est vrai, tant et autant que ça n'a pas été démenti par le deuxième procès. Donc c'est toujours cette idée que la vérité, elle est le propos ou la présentation qui va paraître le plus vraisemblable. Alors comment on produit un effet de vérité ? Aubenas, elle va, comme tous les autres, hein, produire un effet de vérité, c'est avoir recours aux témoins, avoir recours à la présence du journaliste dans l'action, avoir recours à la compilation de documents. Si on revient dans la préface, elle le dit bien, page 10, elle dit... J'étais allée à Boulogne-sur-Mer, etc. Je rédigeais à partir de mes notes prises aux assises, d'entretiens faits avec les uns et les autres, de documents, parfois d'extraits, sortis du dossier judiciaire dont je dispose en intégralité. Donc là, elle tente, en nous montrant, en nous prouvant qu'elle a compilé des documents, qu'elle a agi avec un ensemble de témoins en étant présente à Boulogne-sur-Mer, etc. Tout ça, c'est pour essayer de vous faire croire à son effet de vérité. Vous voyez, ça rentre aussi dans la narration. Et l'important dans cette vision dans cette vision constructiviste, on la voit aussi à Todorov, ces deux éléments qui sont très intéressants et qui renvoient à la toute dernière remarque, je pense, qui a été faite tout de suite, cette différence entre la vérité adéquation et la vérité dévoilement. La vérité adéquation, c'est de dire pour le journaliste, et donc de mettre en place un ensemble de démarches, une narration, qui va embarquer le lecteur avec lui. Qu'est de Wistroland ? Vous l'avez dit, c'est Ogna, elle est en train de faire les ménages. Elle est dans les féries. Elle est avec les gens. Vous êtes obligé de la suivre, au sens de ce qu'elle tente de faire, c'est de vous faire croire à la vérité en vous faisant adhérer, en quelque sorte, à la situation. Alors que, et on reprend Ogna dans la méprise, ce qu'elle veut, c'est vous faire vous emmener à découvrir une vérité où elle va progressivement vous dévoiler ce qui s'est passé. Et c'est une des manières d'interpréter cette idée de vérité adéquation et de vérité dévoilement. Alors, ça veut dire quoi ce débat ? Ça veut dire que, si on le prend au niveau actuel, toute cette question de la vérité, c'est le socle du journalisme d'investigation. C'est au travers de la posture soit néo-réaliste, soit constructiviste, que le journalisme d'investigation se construit. Quand vous avez des journalistes du Canard enchaîné qui vous racontent, et écoutez actuellement ce qui est dit autour de l'affaire du Penelope Gate, c'est fondamental pour le journalisme et pour la critique sociale du journalisme. Vous vous rendez compte que là, le Canard enchaîné, donc, dans son édition de cette semaine, a été obligé de faire un éditorial pour se justifier de ne pas être un journal à la solde de l'Élysée actuelle, de ne pas être un journal complotiste. Ils ont reçu des menaces de mort pour être dans une tentative de vérité de dévoilement d'une affaire. Et donc, comment ils vont se défendre ? Ils se défendent en étant néo-réalistes, en disant qu'il y a une vérité en dehors du regard du journaliste, qu'il y a des faits, qu'il y a des preuves qui réellement existe en dehors du fait que le Canard enchaîné soit en train d'investiguer dessus. D'accord ? Donc ils sont constamment, les journalistes d'investigation actuels dans le Penelope Gate et dans tout ce qui s'en suit, enfin, dans toute cette affaire Fillon, ils sont constamment dans le discours néo-réaliste pour essayer de montrer qu'il existe une réalité en dehors de ce qu'ils disent et que leurs assertions sont vraies. Comment faire pour prouver que les assertions sont vraies ? Eh bien, ils dévoilent des documents. Ils montrent des documents, ils utilisent des sources. Et donc c'est vraiment ce principe du dévoilement de faits, du dévoilement de la preuve, qui renvoie à une réalité. Et ce principe de la vérité et du rapport à la réalité, elle est fondamentale dans le journalisme d'investigation, parce qu'il n'y a que ça qui peut construire la crédibilité du journalisme d'investigation. Ce journalisme d'investigation, quand il dévoile une affaire énorme, qui fait en sorte que, actuellement, ça bouleverse l'échiquier de la présidentielle française, si on prend que cet exemple-là. Imaginez si tout est faux. Imaginez une seconde que François Fillon et sa femme et toute sa famille, en fait, ils n'ont rien fait d'illégal. La conséquence médiatique, c'est une décrédibilisation absolument énorme du Canard enchaîné. Et de Mediapart et de tous les journalistes d'investigation qui ont participé à cette affaire. Donc, on pourrait partir du principe, si on n'est pas complotiste, on pourrait partir du principe qu'ils ont assez de preuves, de dévoilement, assez de faits, que la réalité leur a donné assez d'éléments probants pour produire de l'investigation. D'accord ? Parce que sinon, c'est une crédibilité qui est, alors elle est foutue pour un certain nombre d'années. Et donc, la crédibilité du journalisme d'investigation, c'est quoi ? C'est la concordance entre ce qui est décrit ou dénoncé et ce qui est avéré. Donc, c'est la correspondance entre le travail, ce que produit le journaliste, donc le travail journalistique, comment il couvre la réalité, et ce que la réalité va faire émerger. Et là, vous vous rendez compte, si on continue à prendre Fillon, ce qui est intéressant, c'est intéressant du point de vue analytique, bien sûr. C'est si vous regardez Fillon, tant et autant que l'affaire était majoritairement menée d'un point de vue médiatique, le politique, diffusait un discours critique, voire du bashing, un discours critique sur les journalistes, sur le journalisme. Et donc, c'était vraiment les suppôts de c'était un assassinat politique, un assassinat médiatique. Et donc, vous avez comme ça tout un discours extrêmement violent à destination des journalistes qui font ces investigations. C'est un peu la même chose en parallèle avec Publifilm, mais en beaucoup plus doux. Parce que les politiciens belges sont peut-être plus doux, je ne sais pas. Mais regardez ce qui se passe avec la mise en examen de François Fillon. Regardez où s'est déplacé le discours polémique. Et là, d'un coup, on a Fillon et son entourage ont arrêté les discours d'attaque frontaux, les discours d'attaque frontale, dans le sens, contre les médias. Et là, d'un coup, c'est contre la magistrature. D'accord ? Et c'est très intéressant. Et là, le mouvement qui demande, la manifestation qui demande pour dimanche en France, c'est pour une justice du peuple. Et pas être soumis à une justice qui serait une cabale et un assassinat politique, et qui serait orchestrée par des magistrats qui finalement ne seraient ni neutres, etc. Et donc là, c'est intéressant parce que sur la question du rapport à la vérité, eh bien, le politique se déplace du bashing médiatique à un bashing contre la justice. Vous voyez comme selon la controverse, eh bien, on en arrive à avoir des suspects de non-vérité différents en fonction de l'évolution de la vie. Quittons Fillon et revenons sur cette question de la vérité et de cette posture néo-réaliste et constructiviste. Vous avez un mouvement qui n'est pas du tout récent, hein. Mais qui, et qu'on va présenter, que moi je présente évidemment comme un danger, que d'autres n'ont pas du tout présenté comme un danger, mais là j'assume ma position, c'est qu'on met de plus en plus dans le cadre d'une idéologie du relativisme factuel, du relativisme de la vérité. Et donc on est passé de postures constructivistes, où on pense que le regard du journaliste, son identité, sa trajectoire, sa formation, ses appétences, ses intérêts, etc., jouent dans son travail. On est passé à un pas vraiment plus loin, où finalement la vérité en tant que telle n'existe pas et n'existe que des portions de vérité. Et ce relativisme, c'est carrément une doctrine. Et donc là, je vous ai mis juste pour vous rappeler le débat autour des chiffres du nombre de gens qui étaient là à l'investiture d'Obama, à l'investiture de Trump, où là, on a tout un débat qui amène à dire. La conseillère de Trump, bon voilà, il y a des faits alternatifs. Et c'est extrêmement important que publiquement, des gens ayant cette position publique admettent ça. Et en admettant ça, ce qu'ils admettent, c'est l'existence, entre guillemets, hein, du relativisme, c'est-à-dire de la doctrine qui soutient qu'il n'existe pas de vérité absolue et qui apprenait la relativité dans tous les domaines de la police. Et ça, c'est exactement le point où on est actuellement avec Trump, mais c'est là le point où on vire dans tous les discours complotistes, dans tous les discours de remise en cause de tout. Non, cet homme n'a pas existé, les Américains n'ont jamais pu mettre un pied sur la Lune, Kennedy, en fait, il n'est pas mort comme ça, il est mort de façon différente. Et en fait, c'est à un moment donné. Ce discours qui pourrait être un discours critique, de construction, de dire que, oui, effectivement, les médias construisent une certaine forme de réalité, c'est d'aller jusqu'à dire que la réalité, telle qu'elle nous est présentée, est fausse ou qu'elle n'existe pas. Et donc le relativisme mène véritablement à toute cette montée en puissance des discours complotistes ou des discours de propagande. Et donc je voulais, sur cette partie rose de mon schéma, juste finir sur cette citation de Jean Lacouture qui raconte que Léon Blum, et alors ça c'est un des enjeux de la vérité pour le journalisme et pour les journalistes que vous allez être, c'est Léon Blum qui a été longtemps journaliste, a déclaré que, pour entendre les tentations, que la règle d'or de ce métier n'était pas de ne dire que la vérité, ce qui est simple, alors, c'est pas vrai, on peut dire que la vérité c'est pas simple, parce qu'il faut la trouver, il faut la décortiquer, etc. Mais le plus dur c'est de dire toute la vérité, ce qui est bien plus difficile. Et du coup, la question se pose, qu'est-ce que toute la vérité? et dans la mesure où est-ce qu'on est capable de définir ce qu'est la question de la vérité. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment, on y reviendra parce que c'est un débat extrêmement compliqué. Et ce n'est pas simplement en disant que la vérité n'existe pas ou que la vérité existe qu'on a résolu cet élément. Est-ce qu'avant de passer à mon deuxième élément vert, on fait juste une petite pause histoire que vous vous glorifiez les pages ? On revient dans deux minutes.